mes chers amis, je vais vous raconter une histoire incroyable. Quand j'y pense, je me demande même si je ne l'ai pas rêvé. Surtout ne l'écoutez pas si vous croyez aux sorcières, parce que cette histoire pourrait vous impressionner et vous couper le sommeil pendant quelques jours. Depuis une quinzaine de jours environ, j'avais remarqué qu'il m'arrivait des choses étranges. Je faisais des rêves inhabituels, tous en noir et blanc, sans la moindre couleur. Il me semblait que certains événements de ma vie de tous les jours avaient déjà été vécus. Je devinais même ce qui allait se passer. J'étais distrait, absent. J'avais vu dans le ciel des nuages qui ressemblaient à des formes humaines. Et la lune me paraissait quelquefois tellement proche que je m'étais surpris à allonger le bras comme si j'avais pu la toucher avec la main. Ce jour de février, vers 5 heures du soir, avec une tramontane glaciale et des nuages bien allongés comme des eaux de seiche, ce que je voyais de la fenêtre de la salle à manger de la maison du Puy d'Elmas commençait à me remuer les tripes. Le soleil couchant éclairait en rasant la chapelle de la salette et même les pentes de Madeloc. Mais les nuages, ces fameux cocons blancs et gris que le vent étirait, semblaient s'allumer et s'éteindre. Mais pas tous ensemble. Rouge, gris, mordre de haut. Et ma mère, assise sur sa petite chaise à côté de moi, regardant machinalement la route du Puy d'Elmas à travers la même fenêtre pour se distraire, semblait ne rien voir. Mon père était allé fermer le portail car Annie avait déjà rangé sa voiture. Je savais que de là où il était, il ne pouvait rien voir car le grand arbre de l'autre côté de la route, la maison de Madame Pagès et celle d'Arlette l'empêchaient de voir la tour. Malgré la bonne odeur d'ouillave qui venait de la cuisine, je n'ai pas pu résister très longtemps. « Maman, j'ai quelques photos à finir. Je vais aller jusqu'au Mazretch, peut-être jusqu'au col des Gascons, parce qu'il y a un coucher de soleil magnifique. »« Oh, avec ce temps-là, tu vas sortir. Couvre-toi bien, maniaque, qui fait froid, et ne tarde pas trop, qui va faire bientôt nuit. On mangera à 7 heures. » pour regarder les régionales en mangeant. Et sois prudent, hein. Je prends l'appareil photo et me voilà parti. Devant l'étonnement de mon père, j'ai quand même dû donner quelques explications. Il y a de beaux nuages, je vais les photographier. Et pourquoi tu ne les photographies pas d'ici? Pas de réponse, j'étais déjà parti. Et quelques minutes plus tard, si vous m'aviez surveillé, vous auriez vu passer ma voiture au Tines, au col des Gascons et même plus haut. Malgré le vent et avant que le soleil ne se couche, j'avais rangé la voiture au fort de Vauban, à l'abri, à un quart d'heure à pied de la tour, si on ne marche pas trop vite. après avoir bien vérifié que la voiture ne risquait rien, à l'abri du vent, mon sac de photographe sur l'épaule, j'entreprends alors le dernier parcours. Là où la petite route monte tant vers la tour Madeloc. Je ne sais pas si vous avez déjà affronté la tramontane un jour où elle est déchaînée, mais c'est insupportable. Là-bas, à Madeloc, j'ai dû me tourner pour ne pas mourir étouffé, m'accroupir, ramper presque. Et c'est avec soulagement que j'ai décidé de renoncer. Là où il y a un petit replat, comme on dit ici, là où quelqu'un a mis une chaîne en travers de la route, vous savez, comme pour dire « ça suffit, n'insistez pas » ou « le vent vous emportera ». Là où, depuis quelques années, les coureurs de la Tour Madeloc, vous savez, la course de Rizeau, celle de la fin du mois d'août, là où ces coureurs font demi-tour pour redescendre, c'est là que je me suis arrêté. Vous allez me dire, et les nuages, et les couleurs? Eh bien, à demi étouffé, paniqué à l'abri d'un rocher, j'ai posé mon sac à mes pieds en regrettant d'être venu faire le fou pour des photographies que j'avais même oublié de faire. Je n'y pensais même plus, les yeux embués par des larmes de vent, les oreilles assourdies par les rafales. C'est à peine si je voyais cette souche de romarin qui sortait d'une faille, entre deux rochers, sans que la moindre parcelle de terre visible ne permette d'expliquer sa présence en ce lieu. Mais ces rochers, oui, ces rochers, ils sont rouges, puis gris, puis rouges. Mais c'est vrai, les nuages, ils continuent leur cinéma. Vite, l'appareil photo. En me penchant, je vais avoir la tour bien visible, avec un premier plan sur le romarin. Et j'aurai le grand éboulis de cailloux à droite, en bas de la photo. Mince, cette route me gêne un peu. Mais que vois-je dans le viseur? Les rochers sont rouges. L'éboulis est rouge. Les murs de la tour aussi. Je rêve ou quoi? Et ce vent. Alors, mes amis, c'est là que tout est arrivé. Ah, comme je regrette d'avoir été seul, sans témoin, pour confirmer mon histoire. Alors, un nuage a pris comme la forme d'un visage. Un autre s'est mis à ressembler à un bouclier. Et puis, quatre autres sont devenus tout rouges, sur le jaune du soleil couchant. Tout d'un coup, le vent s'est mis à me parler. C'est incroyable! Les rochers ont pris des formes étranges. Et j'ai enfin compris ce que j'avais toujours ressenti là-haut. Ces rochers ne sont pas normaux. On dirait qu'ils sortent d'un film d'épouvante. On pourrait presque croire qu'ils ont éclaté pour libérer quelques monstres de la terre. Ou peut-être qu'ils vont éclater. Mon Dieu, ces rochers rouges, gris, comme les quatre barres de notre drapeau catalan. Comme le sang de notre bon roi Wilfred avec ce ciel jaune. J'avais, quand la voix de ce vent est arrivée à mes oreilles, comme un goût de sang dans la bouche et une irrésistible envie de m'enfuir, presque envie de vomir. Et je peux vous l'avouer, je crois que je n'avais jamais eu aussi peur de ma vie. Alors, la voix du vent m'a parlé. Je suis le chevalier de Madeloc. N'aie pas peur, tu ne risques rien. Depuis que tu as franchi cette chaîne, tu es sous ma protection. Avant, tu avais contre toi toutes les sorcières qui ne voulaient pas te laisser arriver ici. C'est moi qui t'ai fait venir, petit, et je t'ai choisi pour bien des raisons que je ne peux te dévoiler. Je vais te charger d'une mission délicate et très importante, dont je te donnerai les détails tout à l'heure. Avant, il faut que je te raconte mon histoire. je suis le plus célèbre des Almogavars, ces guerriers invincibles qui étaient devenus les seigneurs de la Méditerranée. Invincibles au combat, nous avons occupé les pays lointains et les plus grandes villes se sont agenouillées devant nous. La Sicile et même la Grèce n'étaient que des étapes dans la route que je traçais, moi, Roger des Flores, que nos ennemis appelaient le fils du diable. Et mes hommes ont vaincu Byzance et culbuté les Turcs jusqu'aux portes de fer, après mon lâche assassinat par traîtrise. Ils ont pillé, saccagé et tué tout ce qui était devant eux. Alors, un butin inimaginable a été récupéré. Les plus incroyables trésors accumulés depuis des siècles sont tombés entre leurs mains et ils les ont cachés ici, dans cette montagne. Ils ont construit cette tour pour veiller sur eux. Les ennemis sont venus par la mer, par la France, par l'Espagne et nous les avons toujours exterminés. Ce soleil couchant qui ensanglante les pierres est un signe de Dieu. Il n'apparaît qu'une fois par an pour commémorer la dernière attaque des morts venue par la mer. Nous avons égorgé je ne sais combien de ces vaillants soldats et leur sang ruisselait sur toutes les pierres. Ah, ils étaient courageux, ces musulmans. Aucun d'entre eux n'est reparti vivant et leurs galères vides sont restées longtemps dans le port de Collioure. Je suis revenu le dernier pour veiller sur le trésor, car grâce à ma vaillance, celle que j'ai montrée toute ma vie de chef, j'ai eu le droit de continuer la garde après ma mort. Depuis, comme il n'y a eu personne de suffisamment digne pour veiller sur le trésor, c'est encore moi le gardien. Oh, bien sûr, certains ont failli le trouver par hasard, mais j'ai agi sans que personne ne s'en rende compte. Souviens-toi de ces incendies inexpliqués, de ces réfugiés espagnols qui sont morts, dont on a retrouvé le corps dans la montagne, des Allemands qui ont creusé pendant la dernière guerre pour faire des dépôts de munitions et qu'on a retrouvé noyés sur les rochers un jour de tempête. Ils cherchaient aussi le trésor de guerre des républicains espagnols. C'est nous qui l'avons aussi. Oh, ils n'étaient pas si loin de ces trésors. Et c'est le vent qui a provoqué leur mort. C'est le vent qui souffle sur le feu. C'est le vent qui transmet le bruit. Et la parole, c'est le vent qui te parle. Et ce vent, c'est moi, car il le faut. Je ne te dirai pas où est le trésor, car ta vie serait en danger. Je te demanderai même de ne pas le chercher, pour ne pas déclencher quelque cataclysme. Mais voilà pourquoi je t'ai fait venir. Je vois depuis quelques années apparaître une nouvelle race, celle des vainqueurs comme nous. Un homme de grande qualité, dont le prénom est Henri, a inventé une épreuve très difficile, qui demande beaucoup de courage et de qualité physique. Elle consiste à monter en courant jusqu'à nous. Il a fallu beaucoup d'intelligence et d'influence de notre part et de la sienne pour penser à ne pas arriver jusqu'en haut. Ils auraient alors piétiné nos rochers qui gardent le sang de nos ennemis, et nous aurions dû briser cette race. Comme tu le sais, ils font demi-tour avant ces derniers mètres, que je dois protéger. D'ailleurs, tu n'es pas autorisé toi-même à arriver aujourd'hui jusqu'en haut, et d'autres que toi ont déjà éprouvé cette difficulté, car c'est un jour anniversaire de combat. Devant la force du vent, ils ont dû souvent faire demi-tour. Ils ont bien senti qu'il y avait une interdiction qui les dépassait, car nous devons respecter le sang de nos ennemis, surtout quand il réapparaît sur le terrain du combat, quand il suinte du cœur des roches, comme aujourd'hui. Un jour, un trophée sera créé par un sculpteur, sans que lui-même ne sache pourquoi. Henri devra lui donner ton nom. Alors, me dit la voix, alors seulement tu parleras. C'est pourquoi je te parle aujourd'hui. Dis à Henri que tous les vainqueurs de ce trophée doivent être nommés chevaliers de Madeloc. lui seul, a le droit et le devoir de le faire. Le jour de la course, après la remise des récompenses, devant les responsables et le public, il dira au vainqueur « Toi, vainqueur de la tour, tu es fait chevalier de Madeloc. » Il fallait attendre le trophée pour agir. D'autre part, il faudra envoyer un diplôme au vainqueur précédent. Seuls les vainqueurs de cette course seront chevaliers de Madeloc. Heureux soient-ils, eux et leurs descendants, car ils auront permis au vieux chevalier que je suis de trouver le repos éternel. Ils seront à leur tour, après leur mort et pour l'éternité, chargés de veiller sur le trésor des Almogavars, dont on leur livrera le secret. À côté de lui, le trésor des Républicains est ridicule. Et puis, la voix sembla disparaître, mais elle revint, plus sourde, plus lourde de secrets. Écoutez, mes amis, ce qu'elle me dit encore. Mais j'ai autre chose à te dire. Un terrible secret, livré à nous par les sorcières. Nous avons découvert le livre des sorcières, au fond d'une cachette, dans le château de Tresserre. Nous savons pourquoi elles se réunissaient au Canigou et à Madeloc. Mais là, quand je t'aurai expliqué tout cela, je te demanderai d'être très prudent. Bien des gens t'expliqueront à quoi servaient ces tours et pourquoi on leur a donné ces noms, Madeloc, Massane. Et personne ne croira ce que je vais te dire, car effectivement, sans ce livre, nous ne l'aurions jamais su. La montagne de Madeloc est un lieu maudit. Maledictus locus, malaït lioc, ce qui est devenu Madeloc, le lieu où on enferme pour le purgatoire les âmes maudites. Certaines veulent s'échapper, et cela conduit à des cataclysmes dont les rochers gardent la trace. Tu as bien vu ces formes étranges, lunaires, comme marquées par les mauvais esprits. Mais, juste à côté, jaillirent les âmes pures, saines, mens sana, d'où vient le nom de Massane. Les affrontements sont terribles. Mais d'autres lieux existent où les mêmes problèmes se sont posés, surtout du côté du Canigou. Souviens-toi de l'Aïgat d'Alcourant. C'est plus terrible. Il a fallu tuer des hommes pour éviter une sortie d'âmes maudites. Pour s'échapper, elles avaient déchaîné les pluies. Personne n'a pensé que la terre était devant une terrible menace. Et pourtant, je t'ai pas tout dit. Vous avez, sans le savoir, dans cette montagne de Madeloc, qui ressemble à une pyramide, une âme terrible, qui attend la fin de son tourment. Cela va te paraître impossible, mais il y a ici, écoute-moi bien, l'âme en purgatoire de Ramsès II. J'ignorais il y a à peine une heure. Je rêvais. J'allais me réveiller. Non, j'étais bien ici, à deux pas de la tour. Et le sang des rochers semblait peu à peu disparaître. L'histoire de Ramsès II est à peine connue des historiens, me dit la voix. Mais les sorcières le connaissent bien, ce roi maudit. Il vivait en Égypte. Et de son vivant, il avait décidé de construire un temple pour lui. pour qu'on puisse l'adorer comme un dieu. Un homme divinisé, mais c'était impensable. Alors, Dieu lui-même lui envoya en rêve un message. Tu as voulu, toi, homme, devenir dieu de ton vivant. Tu seras puni. Ton âme sera maudite jusqu'à ce qu'un dieu soit fait homme. Et ton âme attendra son pardon 2 fois 1000 ans après cet événement. Ton âme sera enfermée près de la ville aux 9 arcades, dans la montagne des âmes maudites, là où le soleil et la lune se lèvent sur la mer. Tu verras l'image de cette ville et de cette montagne en forme de pyramide en écrivant ton nom, Ramsès II. Tu vois, me dit la voix, Bagnos, et bien la ville aux 9 arcades. Et à la tour, en haut de la gigantesque pyramide. Et Ramsès II, écrit en hiéroglyphe, représente parfaitement la ville de Bagnos. Je te demande d'ailleurs d'en faire l'emblème des chevaliers de Matelok. Ainsi, cette âme attend l'an 2000 pour sortir de son tourment. Ce sera le jour de la course, me dit la voix. Personne ne s'en doutera. Personne ne verra de signe, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni dans la mer, car je ferai tout pour qu'elle accède au paradis en toute quiétude, et les âmes de la Massane seront tranquilles ce jour-là. Pourtant, que de misère a créé l'âme de Ramsès II en essayant de fuir, avant l'heure que Dieu lui avait fixée, en essayant de fuir tous les tourments du feu souterrain. Ces 2 dernières tentatives ont bien failli réussir entre les années 1200 et 1500. Il y a eu je ne sais combien de tremblements de terre. Le plus fort fut celui du 23 février 1427. Ce jour-là, les âmes maudites s'enfuirent vers la mer, arrivèrent à la plage des Elmes, la plage de las Animas. Des âmes, le nom a été déformé depuis si longtemps. Mais, heureusement, l'effondrement des rochers avec le tremblement de terre et avec l'aide de Dieu et de la Sainte Vierge avait donné naissance à un rocher qui ressemblait au sphinx veillant sur l'éternité. Les âmes maudites ne purent s'échapper car le sphinx montait la garde et il y est toujours. Tu le vois de chez toi l'été de la maison rose et tout le village le connaît. D'ailleurs, le nom de sphinx lui est resté. Mais seuls les mouettes et les goélands qui lui tiennent compagnie connaissent la terrible histoire. Ces oiseaux blancs, oiseaux de Dieu, sont aussi des âmes. Et il me dit bien des choses encore que je n'ai pas le droit de vous dévoiler. Je rentrai vite à la maison et gardai pour moi le terrible secret. Je cherchai dans les livres et trouvai dans les hiéroglyphes ce que m'avait annoncé le chevalier de Matelok. Je vous donnerai ce signe quand le moment sera venu. Qu'allait-il se passer? Oh, je ne dus pas attendre très longtemps, comme cela m'avait été dit. Le sculpteur se mit à l'œuvre sans le savoir. Et Henri me proposa de donner mon nom au trophée. Alors, Je viens de vous dire tout ce qu'on m'avait ordonné de vous dire, mais pas tout ce qui m'a été dit. Et vous comprenez bien pourquoi. Si vous me voyez un jour partir vers Madeloc, seul, ne me suivez pas. Surtout s'il y a du vent, et si le ciel vous paraît trop rouge, c'est que je vais revoir mon chevalier. Peut-être déclencheriez-vous, sans le vouloir, un bouleversement terrestre qui vous serait fatal. Une pluie terrible, avec des inondations, un incendie, un tremblement de terre. À moins que, comme cela est déjà arrivé à quelques-uns, votre voiture ne tombe dans un ravin, sans raison apparente. Et si c'est par hasard que vous croisez ma route vers ces hauteurs maudites, mais qui seront libérées en l'an 2000, rentrez vite chez vous, prenez du sel et faites-le bénir par monsieur le curé. Jetez-en une poignée sur la porte de votre maison et dans tous les coins, dans tous les angles. Ça chasse les sorcières et les mauvais esprits. Moi, je le fais tous les soirs depuis ce jour où me parla le dernier chevalier de Madeloc. Et n'oubliez pas que, même si l'âme maudite est partie, il y a encore ce trésor. Ce fabuleux trésor des Almogavars que devront garder, après Roger de Flore, fils du diable, tous les vainqueurs de la course, pour l'éternité.